test, yeah, c'est bon, on y va, test, yo, appel Racho, Pencho, Malo, qui s'installe au galop, sopra calo, Mike, un rap collant comme du marshmallow, rap calorie pour gros mec, au coloris, blanc, beurre, jaune, nec. Observez, constate, l'abolition a été abolie, mes frères se nourrissent au Monopoly, mais y'a toujours les mêmes constats, donc je me contente de former mes gars. Enfant de quartier, teneur de mur, mec des blocs pour augmenter le quota, même s'il faut dire, j'ai elle-même, c'est toujours le même acte, même claque, faut que les collabos, au moins de contact, 6-4 combat, classique, vérifie les statistiques, comme quand la BAC défonce nos portes au plastique, article 26, code 1-5, c'est là où on détruit, et fuck le système, toujours en 5-5, car on sait que ça tue, quand Vince reste classique, on sait que ça tue, quand sur la zik, mes gars, c'est que je vais pas sauver le monde. Ni instaurer une mode, ni instru, quoi de plus commode pour que la psy envoie les gaz. Comme ma vie, ma musique reste classique. Les pages tournent, mais les titres sont du même lexique. La sec, saisis ton start-up. Préviens tes mecs net qu'une zig Star Trek envoie les gaz. Witness to this jam. Il suffit d'un laps de temps pour entamer une conversation. Un laps de temps pour que le flow converse, passionne. Depuis 95 on garde le même régime. Style hyper lourd, voire obèse, y'a plus de régime. Let the wolf neck, le monde s'arrête au bloc sec. Après c'est le vide mec, ce que toi t'appelles la vie net. Nous on s'y mouille pas trop, vu qu'on est sous tension. Y'a risque d'électrocution, donc on s'isole dans le béton. Blanc dans City, sous embargo. On vide ce qu'on produit, car on connaît le prix de prendre à votre frigo. Ça donne des jeunes morts et pleure les vieilles mères. Une série culte qu'aucune génération n'a vu la série première. Après ça, tu me diras pourquoi je l'ouvre. Je sais que c'est un éternel recommencement. Pourquoi je l'ouvre? Peut-être ça me fait du bien, peut-être je suis plus léger. Peut-être je sais que les miens se reconnaissent pas dans du Michel Berger. Donc, il faut que le CS, car tout le monde sait que 60% de la clientèle de mon cher bonheur vient des villas d'à côté. Comme ma vie, ma musique reste classique. Les pages tournent, mais les titres sont du même lexique. Je vais pas sauver le monde, ni instaurer une mode, une instru. Quoi de plus commode pour que la psy envoie les gaz. Comme ma vie, ma musique reste classique. Les pages tournent, mais les titres sont du même lexique. Classique, saisis ton start-up. Préviens tes mecs net qu'une zig Star Trek envoie les gaz. Witness to this jam. Classique. Comme la croisière de la vie que j'applique officiellement. Classique comme s'il y a sur une technique sous Vextax. M'applique au maximum comme le sida qui recherche les baisers sur Manix. Classique, pas autant que mec fidèle, car mon logiciel n'accepte que féminin au pluriel. Sur ce son, dis ceux qui se sentent ridicules. Classique comme le soleil, yeah. L'aubel qui bouscule. Je rêve de break, de Breitling, payé en brique, de Britney en string. Red ding del, la zing dans mon lit comme un ring. Plein de chipendel, plein de zèle, se prennent pour des kings. Et Fernandel, M6, vise où je te mets mon finger. Rien à foutre comme dispute ordique, mon initial. Le beat, faut que je le tue comme Chanel dans ma suite nuptiale. Car dans le rap, faut qu'on me distingue. On des clowns, clones, blancs qui se distinguent. Donc je lâche des éloges, large texte que lâche nos mioches qui lynchent, lâche et lèche qui loge, loin nos niches. Accroche notre cache pendant que le temps nous tranche. Y'a clash dès qu'ils voient notre tranche. Mais c'est classique, car l'attention vient de nos vies basiques. Même l'assic n'est pas plus en chien que mes gars de street pour street skills. La familia qui veut de la bonne zik. Faut que je nique, donc je nique. Je vais pas sauver le monde, ni instaurer une mode, une instru. Quoi de plus commode pour que la psy envoie les gaz. Comme ma vie, ma musique reste classique. Les pages tournent, mais les titres sont du même lexique. Classique, saisis ton start-up. Préviens tes mecs net qu'une zig Star Trek envoie les gaz. Witness to this jam. Je vais pas sauver le monde, ni instaurer une mode, une instru. Quoi de plus commode pour que la psy envoie les gaz. Witness to this jam. Classic, saisis ton start-up. Reviens tes mecs net qu'une zig Star Trek envoie les gaz. Witness to this jam. Classic. Lyrically, I'm supposed to represent. Classique.